meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Ratto, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Cédric, tu te souviens certainement que les gars qui sont déjà prêts sur scène, sur la scène du Blues Café, sont déjà venus dans le Blues Café. Je dois dire qu'ils avaient même failli réduire en miettes le Millennium avec leur énergie et leur rock bien gras. Hein. Effectivement, Francis, je peux même te dire que c'était en 2017. Tu avais à peine 30 ans et depuis, ils ont fait un sacré chemin. Des concerts, un album, des voyages et bien d'autres choses encore. On est très heureux de les accueillir à nouveau. On aime bien suivre les artistes qui viennent nous voir et ils sont venus donc nous parler de tout ça dans le Blues Café. On vous demande de les applaudir. Mesdames, messieurs, Nico Shona, The Fresh Tones. Ça va, Millennium, vous êtes en forme ce soir? merci beaucoup. Ça va le Millennium? Merci d'être venu ce soir. On s'appelle Nico Chonard and the Fresh Tones. Et la prochaine s'appelle Smokestack Lightning. lightning. Smokes like a lightning. Yeah, smokes time. Smokes like lightning. Smokes like a lightning. Smoke like lightning. Yeah, yeah. Can you hear my train? Sur la scène du Blues Café, Nico, Shona and the Fresh Tones. Il y avait Dan Nambotin à la basse, Nico Gamet à la batterie, Joris Perrin à la guitare et au chant et à la guitare, Nico Shona qui est déjà avec nous. Il a fendu la foule pour nous rejoindre. Bonsoir Nico. Salut, bonsoir. Nico, on a dit tout à l'heure que le groupe avait fait quand même un sacré chemin depuis la dernière fois que toi et puis tes Fresh Tones êtes venus dans le Blues Café. On va revenir un petit peu, si tu veux bien, sur l'album. L'album avec un grand A, 2019, en attendant certainement les projets qui sont nombreux, en cours déjà peut-être, ouais, en et cours, puis ouais. À venir. Mais d'abord, dis-nous comment le groupe s'est pas encore fâché depuis 4 ans. Ça, c'est que vous tournez ensemble quand même. Ça, c'est un grand mystère parce qu'il y a quand même pas mal de facteurs pour que ça se passe mal. Non, je rigole. C'est vraiment une bonne ambiance. Bah, c'est quatre copains quoi, comme des copains qui sont en vacances en train de jouer de la musique. C'est un peu ça le truc au départ quand même. C'est des gens qui s'entendent bien, donc ça va, ça marche. Mais bon, il y a des choses qui ont changé. D'abord, tu portes une casquette maintenant. Oui, pour des raisons capillaires. Que les gens à la radio, heureusement, oui, sont sauvés. Attention, il y a une captation vidéo quand même. Hein. Ah merde. Alors, on va parler dans quelques instants de ce nouveau disque qui ne contient que 2 titres. Tu as joué un petit peu à l'économie, mais on en parlera. On va parler aussi de ce vrai premier album qui s'appelle Nico Shona The Fresh Tones. C'est un album éponyme. Ouais. Pourquoi ? Parce que déjà impossible de trouver un titre qui représente. Voilà, je me disais quel est le titre qui représente le mieux l'album. Bon, j'en ai pas trouvé un titre pour l'album. Franchement, c'est très compliqué ça. Ouais. Et du coup, c'est le premier album. Il y a pas mal de groupes aussi des années 70, etc. La musique quand même qui est une de mes références cette époque-là où il y a pas mal de groupes qui faisaient leur premier album de cette manière. Mais justement, tu parles de la musique des années 70 et tu nous le disais déjà en 2017, donc il y a un siècle au moins, que le répertoire était plutôt rock 60s, ouais, et 70s, et blues, country aussi, un et peu, même ouais. Folk. Bon, moi j'ai l'impression en ayant écouté l'album que ça s'était sacrément musclé, non ? Ouais, il y a pas mal. Bah, en fait, après, si tu veux, le projet a commencé quand on s'est vu en 2017, où c'était vraiment. Donc, c'est mes compos à la base, mais c'était vraiment ma musique entièrement. Et le projet se modelait encore au niveau du son. Donc, on était vraiment sur mes influences à 100%. Et là, maintenant, il y a aussi la patte des garçons qui est venue se mettre là-dessus. Donc, c'est ce qu'on entend sur l'album. Oui. C'est un album qui a été enregistré entièrement live, donc c'est vraiment comme ce qu'on entend sur scène. Et c'est des gens qui n'ont pas forcément exactement les mêmes influences. Il y a des influences plus rock pour certains, notamment. Ouais. Donc forcément, on les retrouve un peu dans la musique. Après, ça muscle un peu le. D'ailleurs, l'album ouvre assez fort hein, quand même avec les deux premiers titres, Wheels of Obsessions, plutôt solide, et ça se poursuit avec un titre assez rock and roll, si j'ai bonne mémoire, qui est le titre Run. Yes. Bah ouais, c'était une manière aussi de dire, voilà, c'est aussi ce qu'on fait, c'est du blues rock, ça veut dire qu'il y a aussi du rock, on voulait pas rentrer dans un truc avec un blues vraiment comme on a l'habitude de l'entendre, mais faire quelque chose d'un peu plus rock. Oh, il reste quand même en écoutant, parce qu'on l'a écouté quand même au long, au large, avec un mètre de distance par rapport au titre, mais on les a quand même bien écoutés. Il y a quand même pas mal de morceaux qui restent dans l'esprit des 70s, Again and Again. Ouais. Très beau d'ailleurs, super morceau. Hein. Et puis un peu pop même, hein. J'ai l'impression que ça brille un peu pop. Oui, il y a ça un petit peu aussi, les influences. Et puis il y a The Hit. Ouais. Alors moi, je trouve ce morceau absolument subtil. Merci. Ça m'a fait penser à Springsteen. Ouais, un petit peu. Il y a aussi Crosby, Stills, Nash & Young, toute cette époque. Donc ouais, les débuts de Springsteen, c'est aussi les trucs que j'ai. J'ai une référence, le boss. Ouais. Petit aussi, cette voix aussi, peut-être qui m'a un peu, parce qu'il y avait beaucoup de ça dans la famille qui tournait. Et puis après, ça a été un truc qui m'a suivi. Donc forcément, après, tu choisis pas. C'est des trucs que t'as dans la tête. Tu sais pas vraiment au moment où tu fais le morceau que c'est quelque chose que t'as un peu piqué à droite et à gauche, etc. Tu fais juste ton truc, puis après tu fais un peu le tri, tu fais « Ah ouais, tiens, ça ressemble un petit peu à ça, ou un petit peu à ci. » Oui, mais nous, on a ce travers, si tu veux, souvent d'identifier un peu les Bien morceaux. Sûr. Et ça nous rappelle d'autres morceaux et d'autres styles. Bien sûr. Ouais. Puis ça en fait de la musique, enfin voilà, j'ai pas inventé la roue, tu vois. C'est vraiment un truc que je fais de la musique que j'aime faire, et forcément, ça ressemble aussi parfois à de la musique qui existe déjà beaucoup, quoi. Il y a un autre artiste, peut-être, qui est une influence pour toi, je trouve que c'est George Thorogood. Notamment avec un titre comme Black Sky Man, un titre assez boogie rock. Pareil, ouais, c'est ça une fait influence passer... pour toi. Ouais, ouais, certains titres, ouais. Comme Bad to the Bone et autres. Mais dans les classiques, mais ouais, tous ces artistes-là. Johnny Winter aussi. Ouais. Les Allman Brothers, beaucoup. Alors, il faut dire que le batteur dans ce morceau, Black Sky Man, il fait des prouesses. Hein. Ouais, il a beaucoup travaillé. Apparemment, il en est ressorti. En tout cas, on adore pas ce totalement. Morceau. Ouais. Et au fait, qu'est-ce qui est arrivé au moteur qui a tant de mal à démarrer au début de ce morceau? C'est compliqué, c'est un problème de carburation, on m'a dit. Ouais. C'est toujours pas un réglé. V8, parce c'est un vieux V8. Ouais, c'est toujours pas réglé d'ailleurs. Hein, parce qu'à chaque fois qu'on commence un concert, c'est le même problème. Les voitures, c'est un petit peu le fil conducteur d'ailleurs des deux pochettes d'album. Il y en a une qu'on voit bien de face sur le premier. Puis il y en a quelques-unes aussi sur ce nouveau disque dont on parlera tout à l'heure. C'est une passion pour toi, les voitures? Ou pas du tout, ouais. Ouais, carrément, c'est à côté de la musique, c'est vraiment le truc qui me fait un peu déconnecter aussi de ça, parce que je fais que de la musique, donc au bout d'un moment, c'est un peu comme tout, faut faire d'autres choses, je pense, faut avoir une petite soupape. Et c'est moi, le cas c'est, de le dire, moi, c'est la pour le coup. Pas fait exprès, mais oui, voilà. Et c'est la déformation. D'ailleurs, tu avais tes photos aussi, tes photos de presse, c'était faites dans un garage, je crois, c'est ça? Ouais, exact, avec ma voiture. Et la tenue, c'est un petit clin d'œil aussi pareil. Ouais. Mécanicien. Okay. Voilà. Alors, il n'y a pas que l'électrique hein, quand même dans cet album, parce qu'il y a un morceau, entre autres, plus acoustique, peut-être, qui s'appelle Hello. Oui. Magnifique titre aussi, je trouve. Superbe pièce mélodique. Hein. C'est un peu l'esprit que tu voulais. Non, et ton chant, d'ailleurs, il est bien posé dans ce titre. Hein, cette chanson, elle est un peu, tombée du ciel, entre guillemets, parce qu'en fait, on était en pleine semaine d'enregistrement. Et il y avait un jour off au milieu de la semaine. Et on m'a prêté une vieille guitare... clairement sorti d'une déchetterie ou un truc dans ce genre-là, vraiment, et que j'ai remis des cordes, etc. Je l'ai remis un peu d'aplomb. Et puis j'ai fait cette chanson, mais tout de suite, c'est le premier truc que j'ai joué quasiment dessus. Et j'ai enregistré ça avec le téléphone, tu vois, vraiment un peu à l'arrache. Et j'ai fait un texte, et franchement, je pense en 15-20 minutes, c'était bouclé. Après, j'ai appelé Dan, qui habite pas trop loin de chez moi, et j'ai dit, viens voir, on peut peut-être faire un truc. On a fait, du coup, le lendemain, on est arrivé au studio, on a dit au mec, il y a cette chanson qui est tombée hier soir du panier là, on peut peut-être en faire quelque chose, et tout le monde a fait ah bah ouais, faut l'enregistrer. Bah, voilà. C'est une réussite. Hein. Merci. Ça l'a fait comme ça. Ouais. Alors cet album, Francis en parlait un petit peu, ou toi également tout à l'heure, tu parlais du son de cet album. L'album a été enregistré au studio Magneto, je crois, c'est ça, chez notre chez ami Fred Pellerin. They Call Me Rico, comment ça s'est passé? Parce que je crois que tu as quand même dans le groupe quelqu'un qui a studio. Voilà. Pourquoi avoir voulu enregistrer chez lui? C'était aussi pour rechercher ce son-là particulier? Ouais, c'était une sorte de... On a beaucoup discuté, j'ai vu ce qu'il faisait, par rapport aussi au Blues Café d'ailleurs, c'est un peu comme ça que je l'ai découvert, entre guillemets. Pas forcément le Blues Café, c'est la source de tout. Ouais, c'est la base. Au premier jour, Dieu a créé le Blues Café. Et après vous, en fait. Voilà. Après, voilà, nous, sans ça... Et du coup, en fait, en discutant avec lui, je le connaissais pas en tant qu'artiste, mais en tant que donc plus ingénieur du son, tu vois. Et ça s'est fait naturellement parce qu'en fait, il a débarqué. On était à Lyon, on s'est donné rendez-vous, puis il a débarqué avec un sac. Il sortait de chez un disquaire et il avait un disque de je sais plus qui m'a plu quoi. C'était un, je sais plus ce que c'était. Et puis après, il m'a dit voilà la musique, moi je l'entends comme ci comme ça, et ça s'est fait très naturellement en fait. Du coup, on allait enregistrer chez lui pour ces raisons-là. On avait des références communes, un son un peu commun, et puis il avait aussi un studio qui permettait de faire un enregistrement live. Ça, c'est plus technique, mais pour qu'on soit tous dans la même pièce, c'est compliqué quand même. Dans les studios aujourd'hui, c'est pas forcément très grand, etc. Et là, c'était, il a une immense pièce, une super cabine, et du coup, on a pu tous enregistrer en même temps. Ce que je voulais faire. Super, bah c'est une habile transition puisque nous allons justement écouter un titre d'un artiste qui s'appelle Steve Hill, qui est un musicien one man band canadien. Et Steve Hill vient de sortir un tout nouveau titre, c'est un prémisse de son prochain album qui va sortir dans quelques mois, et ce titre a été enregistré et produit justement par notre ami The Col Mirico, je crois en partie dans son studio, mais il a passé aussi beaucoup de temps avec lui au Canada, et on est très heureux de vous le faire découvrir. Ce titre, vous allez voir, ça sonne, il s'appelle All About The Love, et juste après on te retrouve sur la scène du Blues Café. Retour sur la scène du Blues Café Live. Nous recevons ce soir Nico, Shona and the Fresh Tones. Yeah. Merci beaucoup. Retour avec nous et on va maintenant parler de ton actualité fraîche. C'est ce disque I Was Ready qui, comme son format ne l'indique pas, est un maxi 45 tours. C'est un peu surprenant. Pourquoi l'idée d'avoir fait un maxi 45 tours de deux titres, une compo, une reprise ? En fait, l'idée c'était de faire patienter un petit peu les gens avant le deuxième album qu'on va enregistrer en juin. D'accord. Donc on s'est dit que sortir un truc en novembre, décembre, là pour le coup il est sorti en janvier, c'était une manière de voilà, présenter deux titres et le son qu'il va y avoir aussi sur l'album, puisque ces deux titres vont se retrouver sur le prochain album. Mais on est bien d'accord que les deux titres qu'il y a sur ce maxi single se retrouveront sur le prochain album. Ouais, ouais, ils vont dont dont le titre I Was Ready qui porte voilà, c'est ça. Nom aussi. Alors sur cette pochette, Cédric, hein, on a remarqué qu'il y avait, tu parlais tout à l'heure de voiture, là on a une espèce de bar américain, ouais, un ça. Dinner, un diner. Ouais. C'est une peinture ? C'est une peinture de Alain Bertrand, qui est un artiste en fait. Originaire de la région parisienne, qui est assez connu pour son ultra réalisme. En fait, c'est quelqu'un qui peint, mais on a presque l'impression que c'est une photo. C'est ça, c'est du Norman Rockwell, quoi. Voilà, c'est ça. Il est très très inspiré par, par ces gens, c'est sa culture. Mais d'ailleurs, j'ai découvert ce soir que c'était une peinture. Parce que quand tu j'ai vu ce visuel sur les réseaux sociaux et tout ça, j'étais rapproche-le des micros pour que les millions d'auditeurs puissent le voir. Voilà. Donc, tu as fait le choix de le sortir en vinyle et il est également présent sur les plateformes de diffusion de streaming. Pourquoi ce choix du vinyle, vraiment ? Et pourquoi ce format-là, d'ailleurs ? Bah en fait, c'était un petit peu compliqué déjà de faire un CD de titres. Ça se fait vraiment plus beaucoup. Et là, il se trouvait qu'il y avait un titre trop long, tout simplement, pour aller sur un petit 45 tours, taille standard. Donc, bah, soit c'était du 10 pouces, soit c'était du 12 pouces. Et ensuite, j'ai rencontré Alain Bertrand, donc le peintre qui a fait cette pochette. Et quand il m'a proposé cette peinture, j'ai craqué et je me suis dit, franchement, c'est quand même mieux de la mettre sur un grand disque, quitte à avoir un bel objet aussi à la maison. Donc c'était plutôt un truc un peu pour avoir un bel objet, pour avoir une belle pochette à la maison. Alors l'autre morceau, c'est le Smokestack Lightning. Yep. Et que vous avez joué tout à l'heure. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est comme une marque de fabrique. Parce que je t'ai vu aussi dans des concerts à Villefranche ou ailleurs. À chaque fois, il y a ce morceau qui revient. C'est un morceau fétiche. Bah ouais, en fait, nous, c'est un morceau qui nous chauffe bien déjà. Nous quatre sur scène, c'est-à-dire qu'on, c'est un morceau qui où on veut vraiment, on n'a pas besoin de se concentrer trop, il y a pas des riffs dans tous les sens, c'est plus du feeling, tu vois, et du coup on arrive à se regarder sur scène, à avoir vraiment des échanges, des sourires, il y a vraiment une bonne osmose, et ça nous, généralement on le met pas trop loin après le début du set pour vraiment se chauffer, se mettre dedans à 100%, on essaye d'être dedans dès le début bien sûr, mais tu vois, des fois, c'est par exemple ici, il faut commencer, jouer deux morceaux, machin. Dès qu'on a joué ce morceau tout à l'heure, j'avais envie de jouer une heure derrière, tu vois, ça m'est vraiment la chauffe, quoi. Ouais. Alors, c'est curieux parce que c'est un morceau d'Holling Wolf. Et le mois dernier, on recevait Cincinnati Slim qui nous disait qu'il était aussi Red Dunk d'Holling Wolf. Hein. Ouais, moi, c'est un trait commun. Moi, c'est vraiment, il y a deux bluesmen qui m'ont vraiment marqué, que je continue à écouter quasi quotidiennement, c'est Muddy Waters et Holling Wolf. Pour être dans le cliché total, puisque c'est vraiment parmi les plus connus, mais franchement, il faut dire ce qui est, c'est vraiment des gens qui ont marqué par leur voix déjà toute une époque et qui ont vraiment tracé, je trouve, une route dans l'attitude, dans la voix. Voilà, Holling Wolf, c'est presque du hard rock avant l'heure quand t'écoutes bien parfois, tellement il y a une violence dans la. Il y a la voix. Hein. Ouais, voilà. La guitare saturée n'existait pas encore, mais il l'a presque inventée en chantant, quoi, tu vois, c'est vraiment ça. Alors, ce 45 tours a été enregistré à Homely Records. Tu peux nous parler de ce studio que je ne connais absolument pas. Alors c'est un petit studio lyonnais. C'est notre ami Laurent en fait qui fait le son dans une salle qu'on aime beaucoup qui s'appelle La Vache Rouge dans la région lyonnaise à Vénissieux plus particulièrement, plus précisément pardon. Et du coup c'est un mec en or déjà premièrement et deuxièmement c'est un mec qui bosse très très bien. Ça on s'en est rendu compte en live parce qu'on a beaucoup travaillé avec lui sur scène. Un jour, il nous a proposé d'enregistrer ces deux titres. Donc, on a dit pourquoi pas, justement, pour sortir un truc, pour faire patienter un petit peu les gens avant le deuxième album et tout, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Et on est allé chez lui, on a eu vraiment une excellente surprise, parce que c'est quelqu'un qui travaille très, très bien. Il y a ce vinyle, hein, ce deux titres. Il y a aussi les voyages, parce que je crois que tu reviens pratiquement, il y a un mois ou deux, des États-Unis. Ouais, il y a un mois à peu près. Ouais. Alors ça, c'est avec un projet différent que j'ai à côté, qui est une chaîne YouTube en fait. On va y parler. Voilà. On va y revenir. Ouais. Et qui m'a donc avec laquelle je suis parti là-bas pour tourner des épisodes en fait pour ma chaîne YouTube. Alors justement, cette chaîne YouTube qui s'appelle Tone Factory que tu as montée, tu vas nous en parler parce que elle est absolument incroyable. Je crois qu'il y a déjà 35 000 abonnés, ouais. Peut-être même plus maintenant, à l'heure où on en parle. Il y a deux épisodes par semaine, enfin c'est comme une série finalement. Ouais, l'idée c'était de faire un rendez-vous, un peu comme une émission de télé qu'on aime bien, devant laquelle on vient le samedi matin, ou tu vois, des choses comme ça. D'ailleurs, il y a un épisode le samedi matin, un épisode le mardi soir, qui sont des heures un petit peu quand on rentre du travail ou quand on se lève le matin pour le week-end, on commence par un épisode de Tone Factory. C'était un peu l'idée de faire un rendez-vous comme ça et de tourner ça en conditions TV, quoi, vraiment dans un studio équipé, etc., avec une belle image, un joli traitement et des belles prises de vue des instruments. Quand on fait un tuto, des choses vraiment détaillées, précises, etc., un petit peu, sans prétention aucune, différent de ce qui se fait à l'heure actuelle parfois sur YouTube, où c'est vraiment une caméra, un gars de l'autre côté qui parle et termine. Et là, il y a vraiment une idée de montage, de production. Alors, comment tu t'y prends pour faire tout ça? Alors moi, je fais que la partie musique et on crée les sujets, etc. Donc moi, je présente l'émission vraiment. Et puis après, il y a Dimitri Lazardeux qui est un vidéaste en fait avec qui je travaille sur ce projet, qui fait tout le reste, donc le montage, les images. Voilà. Ça s'adresse plutôt à des musiciens, non? Oui et non. Il y a plein d'épisodes qui sont portés vraiment sur la guitare, la batterie, les instruments, etc. C'est assez technique. Il y a des épisodes qui sont des tutos, donc si tu joues de la guitare, si tu joues de la basse, si tu joues de la... Voilà. Il y a des choses comme ça, de la batterie, etc. Et puis il y a aussi des documentaires, donc ça s'adresse à beaucoup plus animalier, de monde. Animalier, non? Des documentaires? Ouais, ouais. Là, on a fait le ragondin du sud-ouest de la Californie. Non, voilà, c'est des documentaires, l'histoire d'une marque de guitare, l'histoire d'une culture musicale à un endroit précis. C'est ce que tu as fait notamment aux États-Unis, ouais, justement. Ouais, on a visité des usines, par exemple, de guitares mythiques, Music Man, etc. Des choses qui sont... c'est sûr, ça parle aux musiciens, mais aussi à d'autres gens. Ça peut s'adresser à plein de monde. Alors, rappelons qu'on peut, on peut trouver soit sous ton nom ou tout simplement Tone Factory. Ouais, hein, Tone Factory. Plus loin, Factory, voilà. Et est-ce que tu crées un lien, du coup, entre cette activité de présentateur de vidéo avec ton activité musicale? Est-ce qu'il y a des gens qui te contactent grâce à ça, par exemple? Ouais, complètement. Ça, c'est vraiment la chose à laquelle je ne m'attendais pas. Déjà, de la part du public, puisque de plus en plus, sur toutes les dates, on a des gens qui viennent nous voir, qui viennent de Tone Factory. Donc, on voit les gens arriver avec le t-shirt Tone Factory. Il y a les morceaux qu'on a joués, I Was Ready et Screen Boy, juste avant. Screen Boy, c'était le premier générique, la première année. Et I Was Ready, c'est le générique actuel. Donc, les gens connaissent aussi le générique, parce qu'il revient deux fois par semaine. Donc, c'est marrant. Parfois, je pose la question, qui vient de Tone Factory? Et il y a vraiment pas mal de mains qui se lèvent dans le public. Donc, ça fait plaisir. Puis aussi, des marques de guitare, des choses comme ça, qui me voient, donc qui me proposent des choses. Nico Schonat, The Fresh Tones, merci beaucoup. On rappelle la sortie de cet album I Was Ready. Si vous n'aimez pas sa musique, achetez-le au moins pour la pochette, parce qu'elle est très belle. Et si vous aimez la musique comme nous, au moins ça sera un 2 en 1. Voilà, merci beaucoup. Ils sont sur la scène du Blues Café. Nico Schonat, The Fresh Tones. Snap. because they know. Yeah, they know you are my son. merci beaucoup les cochons de Fraser. Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission Concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Ce soir dans le Blues Café Live, il y avait Nico Shona and the Fresh Tones. On vous donne rendez-vous sur notre site le www.bluesactu.com. Encore un grand merci à toute l'équipe du Millennium. Un grand merci au public et à très bientôt. Ciao, bye bye. The sun won't shine anymore. Hello, don't you wanna talk to me? Hello, don't you wanna walk? Hello, don't you wanna talk? City and share thing after time. Now I want you to stop, switch off your phone and figure out the last time you really did something without a dollar at the end of the road. Hello, don't you wanna talk to me? Hello, don't you wanna walk? Don't you wanna talk?